Arc-en-Ciel, bonjour, il est 9h passé de 1 minute. Jean-Pierre avec vous en ce mardi, en ce lundi 27 décembre. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon Noël. J'en profite pour vous souhaiter un bon et joyeux Noël. Que vous avez été gâtés et que vous êtes, voilà, vous avez passé une très très belle soirée de réveillon de la Saint-Sylvestre, non, de Noël, entouré de toutes les personnes que vous aimez. Voilà, en tout cas, nous sommes ensemble aujourd'hui pour 3 heures, comme tous les lundis matins. Si vous ne travaillez pas, vous vous réveillez en douceur, eh bien, vous êtes sur le 96.2 avec Jean-Pierre jusqu'à midi, c'est vers matin. Ça se passe sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel tous les lundis. Au programme de cette émission, vos dédicaces au 02 38 43 48 00. 02 38 43 48 00. Et vous pouvez également faire vos dédicaces en tapotant sur votre clavier JP Martins sur Facebook. Vous envoyez un message ensuite sur Messenger et voilà, le tour est joué. Vous demandez en même temps la musique que vous souhaitez entendre. Et cette émission, bien entendu, c'est la vôtre puisque la musique passera à l'antenne. Voilà. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je vous l'ai dit. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous l'ai dit aussi. Et puis on va se réveiller tranquillement. Mais oui, mais en fait, puisque c'est la dernière émission de cette année 2021, en espérant que 2022 soit beaucoup, beaucoup mieux que cette année qui se termine. Voilà, donc pour cette dernière émission, on va s'amuser, on va danser. Et puis vous allez vous faire plaisir. Donc on appelle en 02 38 43 48 00. Mais bien sûr. Allez, 9h03, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi. Et puis je sais même pas ce qui va partir. Alors on va. Qu'est-ce qui va aller? Ça va être Magdagait. C'est ça que c'est bon. Et ben oui, c'est ça que c'est bon d'être avec vous tous les lundis. C'est ça que c'est bon. Encontrei uma velhinha, ela tinha bigode, tive pena, coitadinha. Então se resolveu de a gilete lhe emprestar, para ela ir para casa, para o bigode cortar. A concertina a tocar e o povo todo a dançar, cê sabe ser bom. Ai que da gaita a cantar e o sol está sempre a bombar, cê sabe ser bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar, cê sabe ser bom. Ai que da gaita a cantar e o sol está sempre a bombar, cê sabe ser bom. Um dia na minha terra encontrei lá um velhinho, estava cheio de sede, tive pena, coitadinho. Então se resolveu de ir ao bar e eu vou levar, mas o raio do velhinho só queria se endividar. A concertina a tocar e o povo todo a dançar, cê sabe ser bom. Ai que da gaita a cantar e o sol está sempre a bombar, cê sabe ser bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar, cê sabe ser bom. Ai que da gaita a cantar e o sol está sempre a bombar, cê sabe ser bom. Foram os dois passear, encontraram-se sozinhos, toca lá a namorar. E o velho coitadinho bem queria, mas não pode, ficou tão desconsolado ver a velha sem bigode. A concertina a tocar e o povo todo a dançar, cê sabe ser bom. Ai que da gaita a cantar e o sol está sempre a bombar, cê sabe ser bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar, cê sabe ser bom. Ai que da gaita a cantar e o sol está sempre a bombar, cê sabe ser bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar, cê sabe ser bom. Ai que da gaita a cantar e o sol está sempre a bombar, cê sabe ser bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar, cê sabe ser bom. Ai que da gaita a cantar e o sol está sempre a bombar, cê sabe ser bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. passare, se sa se non. Ma che da gaita a cantare, il sasca sempre a bombare, se sa se non. E con sentina a toccare, io volo tutto a danzare, se sa se non. Ma che da gaita a cantare, il sasca sempre a bombare, se sa se non. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin pour ce... et bienvenue pour cette dernière émission de 2021. Cabritinha, eu gosto.

Quando chegou, arrumou o namorado, um velhinho já cansado em matéria de ganhar. Todas as noites o velhinho se babava, a Maria anunciava, vou fazer o tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Quando Maria anunciava, vou fazer o tchá-tchá-tchá. Horizontina, veio equipa da Argentina, tinha futebol por lá. O juiz teve que atrasar a partida, a torcida da equipa, a Maria fez tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. A pedido da equipa, a Maria fez tchá-tchá-tchá. Tem baile, vem sempre de mim e saia. Bota tomara que caia, faz tudo para agradar. A rapaziada vem chegando e perguntando se não viu e dançando a Maria tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Se não viu e dançando a Maria tchá-tchá-tchá. Com uma banca de revista, está a vender para a Mundial. Quem leva uma, ela agradece ao freguês, mas quem compra mais de três, ela faz um tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Mas quem compra mais de três, ela faz um tchá-tchá-tchá. Sou português, minha malha e espanhola, não carrego na sacola nada para me incomodar. Tens curioso, ansioso, te conheço, estás querendo o endereço da Maria tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Estás querendo o endereço da Maria tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Estás querendo o endereço da Maria tchá-tchá-tchá. Andalusa, Maria tchá-tchá-tchá. Vous êtes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin. Nous sommes le lundi 27 décembre 2021, dernière émission de cette année 2021. Et on espère en tout cas que l'année 2022 sera meilleure. Ouais, c'est vrai, meilleure, on peut pas souhaiter mieux. Voilà, donc bah écoutez... On va aller boire un café, on va se réveiller en douceur, et puis on va passer au pub et on se retrouve tout de suite après. Et puis je vais faire un coucou à mon copain Florent qui enregistre toutes nos émissions et que vous pouvez rejoindre sur son groupe Facebook Florent Amigo, puisque ensuite Florent met les émissions en podcast. Donc voilà, un gros bisou à lui, j'espère qu'il a passé un très bon Noël et qu'il prépare son réveillon de la Saint-Sylvestre. Voilà, donc j'arrête de parler et puis pub, allez, pub, allez, c'est parti. Et où courez-vous ? Faire de bonnes affaires. Ben où ça ? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marguenot, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais.

especial para mim pari. Eu venci porque me deste o mundo, por isso agora eu canto para ti. Morena, ó morenita, cada dia tu estás sempre mais. Morena, Morenita sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin, il est 9h42 et nous sommes le 27 décembre, dernière émission de cette année 2021. Et voilà, musique, on va danser, on va s'amuser, on va profiter, hein, puisqu'on n'a pas le droit, je crois, de danser pour le 31 décembre, il faut éviter. Donc on va danser à la maison ou derrière son poste de radio, devant la télé. Bref, on va danser quoi qu'il arrive. Donc on va poursuivre en musique et ça va être avec Mike Dagaita qui va nous interpréter Heartbeat et c'est Letty qui m'envoie un petit message. Coucou, j'espère que tu as passé un bon Noël. Oui, merci, j'espère que vous aussi vous avez passé un bon Noël. Petite dédicace juste pour l'animateur qu'on a hâte d'écouter le lundi matin. Passe de bonnes fêtes de fin d'année, merci, vous aussi, à bientôt. Et puis bah si je peux passer Mike Dagaita Heartbeat, eh ben il y a pas de problème. Allez, vous allez profiter de boire un bon petit café et puis on va écouter Mike Dagaita Heartbeat. Vos dédicaces 02 38 43 48 00, Jean-Pierre avec vous et c'est vers matin. Mike Vega est sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va faire un petit tour du côté des petites annonces des offres d'emploi, très exactement. Sachez qu'il y a une entreprise de maçonnerie qui recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Le salaire proposé, 2700 euros net par mois avec un CDI et une période d'essai de 2 mois. Une entreprise de ravalement recherche un ravaleur avec le permis voiture et c'est un CDI qui vous est proposé. Une entreprise de maçonnerie recherche un aide-maçon en CDI avec période d'essai de 2 mois, le salaire 1800 euros net. Il y a également un restaurant qui recherche un ou une cuisinière et c'est un CDI qui vous est proposé. Et puis une petite annonce qui vient d'arriver sur au standard de Radio Arc-en-Ciel. Il y a à vendre un véhicule Mercedes CLS, année 2007, 168 000 km. Il est diesel ce véhicule. Possède une boîte automatique, un contrôle technique OK, vierge. Le prix, 13 600 euros. Voilà, l'une de ces petites annonces ou offres d'emploi vous intéresse, 02 38 43 48 00. Nous allons poursuivre avec Robert Carlos et c'est Marie-Jo, Marie-Jo Ferreira qui me dit « Bonjour JP, pouvez-vous nous passer Robert Carlos pour tous ceux qui travaillent comme moi, sans oublier Mino, bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à vous et on va écoutez la chanson que vous souhaitez, Camionero, Robert Carlos. Et effectivement, on va dédier cette chanson à tous ceux qui travaillent. Voilà, donc gros bisous, bonne fête de fin d'année. Et puis on écoute Monsieur Robert Carlos. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé. Arriesgo en marcha suelta. Yo sé siempre en esa carretera al volante pienso en ella. Ya pinté en el parachoque un corazón. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve limpiador desliza, va y ven el parabrisas, late igual mi corazón. Por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. De ella via por la carretera, noche madrugada entera y mi amor aumenta más. Meto la directa y siempre el viento, voy con Dios y voy contento, mi camino sigo en paz. Monsieur Robert Carlos, camionniero. Et voilà, chanson pour Marie-Jo Ferreira et qu'elle dédie également à Mino. Voilà, et bon courage si vous travaillez. 9h55, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin et ça se passe sur le 96.2. Et nous allons rester dans l'accordéon avec Philippe Martins qui va nous interpréter Uma Casa Portuguesa Cantigas da Rua. Et cette chanson s'est demandée de la part de Geneviève pour Paulette, avec une pensée pour notre ami Michel qui nous écoute et qui nous regarde de là-haut. Et puis pour l'animateur, avec de gros bisous, je vous fais plein de gros bisous Geneviève. Et puis on va écouter cette très belle chanson de monsieur Philippe Martins, Uma Casa Portuguesa Cantigas da Rua. Allez Geneviève, on va se mettre à danser tous les deux. C'est maintenant. Uma casa portuguesa cantiga, da rua, voilà, cette très belle chanson interprétée par Monsieur Philippe Martins. Quel beau nom de famille. On va poursuivre avec Lucenzo Danta Kuduro avec Don Omar. Et tiens, cette chanson, c'est pour ma petite princesse à moi, la mienne. Voilà. Allez, Mélodie, écoute, danse, dérange-toi. Allez, c'est parti. Todo el mundo en patilla en la discoteca. mío pa' arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandarla hasta que se haga batería. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Farouco Pepas sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Je vous rappelle les petites annonces. Il y a à vendre une voiture Mercedes CLS, année 2007, 168 000 km, diesel, en boîte automatique, un contrôle technique, ok, un contrôle technique vierge. Le prix, 13 600 euros. Du côté des offres d'emploi, une entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Le salaire, 2 700 euros net par mois avec un CDI et une période d'essai de 2 mois. Une entreprise de maçonnerie recherche un aide-maçon avant CDI avec période d'essai de 2 mois. Le salaire, 1 800 euros net. Une entreprise de ravalement recherche un ravaleur en CDI et possédant le permis voiture. Et un restaurant recherche un cuisinier ou une cuisinière. Et c'est un CDI qui vous est proposé également. L'une de ces offres d'emploi ou la petite annonce vous intéresse. 02 38 43 48 00. Et je me ferai un grand plaisir de vous communiquer, bien entendu, les coordonnées hors antenne. Ben nous, on va poursuivre avec qui? Avec Eden Costa. Oui, chaud. Allez, on y va, c'est parti. Esperando que o destino revele, enfim, os Crushed à Wish ou sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Nous allons poursuivre avec Tony Carrera qui va nous interpréter Sogno de Menino et s'est demandé de la part de Jeanne. Jeanne qui m'envoie un message. Coucou JP, j'espère que vous avez passé de bonnes et heureuses fêtes de Noël. Je voudrais faire une dédicace à toutes les à tous les animateurs de la radio et à toutes les personnes que nous qui nous écoutent en leur souhaitant de du bonheur pour 2022. Une chanson de Tony Carrera si possible. Bise Jeanne. Et il n'y avait qu'à demander. On va écouter une chanson de Tony Carrera et puis Sogno de Menino, et c'est pour donc tous les auditeurs, auditrices de Radio Arc-en-Ciel. Et d'ores et déjà, je vous souhaite un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Allez, Tony Carrera, Sogno de Menino. A terra que me viu nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho. Sonhava vir um dia ser. Sonhava ser cantor de cantigas de amor. Com a força de Deus venceu. Nessa pequena aldeia o menino era eu. E hoje a cantar em cada canção trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Tenho a vida que eu quis, nem sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi. Infeliz no amor, mas no fundo cantor. A vida deu-me o que eu pedi. Se eu pudesse voltar, de novo sonhar, faria o mesmo, podem crer. E aquele menino eu voltaria a ser. E hoje a cantar em cada canção trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. We'll be right back. casei-me com ela, estavam de mini saia. Lindas e morenas, mulheres atraentes, piscaram o olho, estavam sorridentes. Ali parei, ali chorei, que sensação, mulheres haviam, mas percebi, só queriam de mim, apenas uma informação. Para as duas, meu Luís Manuel. Quarto para as duas. Hey, yo, Big Wave. Turn the mic on. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, Ane. Chuckin' more fina, anane. Chuckin' more fina, ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chuckin' more fina, anane. Chuckin' more fina, ne. Okay, your mama, Anguele. Step on the dancing floor. Be winding, DJ rewinding, take it to the island way. Get your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now, take you to the max now. Jam in this small jam way, jam in this small jam way. My bestie and your bestie, dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, Ane. Salomon girl straight up, right hoochie mama. Make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies with a doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me tapping on me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We're drumming the island way. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me two by two. And now we're shining bright like diamonds. Talking about hey now. Backward. We go, we go, go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. Wind up, go down again. Wind up, go down, twist your body backward. Twist it back. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, Ane. Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto.

cima está aquele que trabalha, cá em baixo está aquele que não. Se atrapalha para sustentar malandrão. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Lá em cima o João tem carro novo, cá em baixo carro velho tem Cristina. Lá em cima o João tem carro novo, cá em baixo carro velho tem Cristina. Carro velho anda sempre até levado, carro novo encostado sem dinheiro para gasolina. Muito deste nosso tirolino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto dele, bem reato, brincadeira com o cavaco, fico lá com a madeira. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, lá em cima há um governo que tem tudo, cá em baixo um povo que não tem nada. Lá em cima um governo que tem tudo, cá em baixo um povo que não tem nada. Deve ser um governo cabeçudo, galhado e barrigudo, que precisa boa enxada. Deve ser um governo cabeçudo, galhado e barrigudo, que precisa boa enxada. Gosto muito deste nosso tirolino, gosto muito desta nossa brincadeira. Muito deste nosso tirolino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto dele, bem viaco, brincadeira que cavaco, fico lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tirolino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto dele, bem viaco, brincadeira que cavaco, fico lá com a madeira. Quiseste brincar comigo sem ter o perigo, a emoção. Quiseste pular a cerca, armar e vedeta, alegrar o coração. Fiquei contente como repotente, tenho muito para dar. Cuidado comigo é um aviso, não sei se vais aguentar. Desta vez é de vez, só vai ou racha, ou vai ou racha, ou vai ou racha, ou vai ou racha. Não há duas sem três, agora é de vez, ou vai ou racha. Armar e beber para alegrar o coração. Fiquei contente como repetente, tenho muito para dar. Cuidado comigo é um aviso, não sei se vais aguentar. Agora vai a racha, vai a racha. Desta vez é de vez, só vai a racha. Oh vai, oh racha. Não há duas sem três, agora é de vez. Oh vai, oh racha. Louis-Georges sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Vaillourach. Nous allons poursuivre avec qui? Bah, je sais même pas. Allez, José Malio, Viti Quatroz, qui sera suivi ensuite de Malian Doué, joue avec l'ami Zé Amaro. Grandes amores, eu um louco por te dar o meu coração. Hoje, mandando-te estas 24 flores, recebe as mulheres, não digas não. Pôs água fresca numa jarra. Amor que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra. Dentro do teu quarto, junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes: são de quem me ama. Hoje é sempre bom trabalho. Vamos curtir esta noite. Hoje já ninguém nos para. já está tudo borracho. Beberes mais um copinho, a malta fica animada. Vais viver melhor a festa e encontrar a tua amada. Se já te sentes cansado, precisas de energia, estou aqui para te ajudar. A vida não faz sentido se não tiver alegria. Anda, vem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite. Hoje já ninguém nos para. Aí já está tudo borracho. Anda, daí, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite. Hoje já ninguém nos para. Aí já está tudo borracho. Esta noite, hoje já ninguém nos para. Aí já está tudo borracho. Anda daí, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bom trabalho. Vamos curtir esta noite, hoje já ninguém nos para. Aí já está tudo borracho. Anda daí, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bom trabalho. Vamos curtir esta noite, hoje já ninguém nos para. Aí já está tudo borracho. Anda daí, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Já está tudo borracho. Et c'est ce qu'on appelle un blanc d'antenne, donc blanc d'antenne, bien sûr. Bah, c'est le dernier de l'année, de toute façon. Donc 10h46, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi. Et nous sommes le 27 décembre, et puis on va poursuivre, je vous le disais tout à l'heure, avec Zé Amal, Malian Douéjo. E eu dei-lhe um beijo na testa. Zéamar sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel Malien Douai. On va poursuivre avec Kevin. Kevin qui va nous interpréter Somme sous portugais. Kevin, c'est quand tu veux. As festas e romarias que nos enchem os corações. Portugal és tão bonito, tua paisagem sem igual. Beleza das tuas terras, não há como Portugal. Eu canto para todos, sou português, sou português, sou português, com carinho e amor, sou português, sou português. Até morrer, eu canto para todos. Sou português, sou português, com carinho e amor. Sou português, até morrer. saia, oh rosa redonda bem, oh rosa redonda saia, olha a roda que ela tem, hey! Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha, oh rosa redonda saia, que fique bem redondinha. Hey! Cá na aldeia, são bonitas, nunca vi. A dançar eu gosto delas, como a rosa ninguém dança assim. Elas são mulheres danadas, só gostam de brincadeira. O que custa é começar, depois há festa a noite inteira. Oh, rosa redonda saia, oh, rosa redonda bem. Oh, rosa redonda saia, olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda saia, que fique bem redondinha. Hey! A rosinha é atrevida, gosta de dançar com par. Nunca sabe quem escolher, fica com o que sobrar. Alegria e diversão, a festa está animada. Toda a gente canta e dança, esta moda de rodar a saia. Oh, rosa redonda a saia, oh, rosa redonda bem. Oh, rosa redonda a saia, olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda a saia, que fique bem redondinha. Hey! Elas são mulheres danadas, só gostam de brincadeira. O que custa é começar, depois há festa a noite inteira. Alegria e diversão, a festa está animada. Toda a gente canta e dança, esta moda de rodar a saia. Oh, rosa redonda a saia, oh, rosa redonda bem. Oh, rosa redonda a saia, olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda a saia, que fique bem redondinha. Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda a saia, que fique bem redondinha. Lá pelo Minho, que o mapa não me engana, não dá para resistir ao bacalhau à Viana. Vou a Braga, estou na estrada, meu carro faz mais barulho. Aqui quero provar as papas de Serrabulho. Quis ir ao Presunto das Chaves, mas perdi-me por ali. Vim parar a Bragança para comer bom javali. É comer que eu estou feliz e a beber os copos à maneira. Toda a gente diz, a comidinha aqui é de primeira. Toca andar e vou eu para comer. ver não há igual. Feijoada transmontana aqui de Vila Real. Queria parar de comer, isto ainda dá para o torto. Agora vou-me lamber, tripas a moda do Porto. Daqui vou para Aveiro, à caldeirada de enguias. E comer rancho em Viseu, que servem todos os dias. É comer que eu estou feliz. E é beber os copos à maneira. Em Portugal toda a gente diz: a comidinha aqui é de primeira. Puxo na guarda e estou maravilhado. Já estou em Castelo Branco, vou comer cabrito assado. Agora eu já percebo, comida boa não finda. Já estou aqui sentado, grande leitão em Coimbra. Eu quero cheirar tudo, tudo é bom e não sabia. Hoje é dia de provar a champanhe em alegria. É comer que eu estou feliz. E é beber os copos à maneira. Diz, a comidinha aqui é de primeira. Se viagem lá vou eu, o meu instinto pede. Tinha de vir comer porco frito a Porto Alegre. Em Lisboa comi sardinhas e aqui já senti saudade. O choco frito em Setúbal e mesmo à beira do sábado. Eu tinha de ir a Évora e a de qualquer maneira. Já só queria comer as barriguinhas de Pereira. É comer que eu estou feliz. E é beber os copos à maneira. Em Portugal toda a gente diz: a comidinha aqui é de primeira. Agora não falta tudo, sei que já faço inveja. Já estou aqui para comer, migas entre posto em Beja. A distância já é pouca e agora já não paro. Para terminar em beleza vou à caldeira da Faro. De todos me despeço, que alegria verdadeira. E ainda quero ir comer ao... Eduardo Santana, comidinha de primeira. 11h05, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi pour cette dernière émission de l'année 2021. Je vous rappelle... Les petites annonces, les offres d'emploi. Une entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon, essentiellement le salaire 2700 euros net par mois avec un CDI et une période d'essai de 2 mois. Une entreprise de ravalement recherche un ravaleur en CDI et possédant le permis voiture. Une entreprise de maçonnerie recherche un aide-maçon en CDI avec une période d'essai de 2 mois, le salaire 1800 euros net par mois. Et puis, côté voiture, il y a à vendre une voiture, une Mercedes CLS année 2007, 168 000 km, diesel, boîte automatique, contrôle technique OK, vierge, le prix 13 600 euros. Une de ces petites annonces vous intéresse, 02 38 43 48 00. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin, vos dédicaces, 02 38 43 48 00. On poursuit avec Teuil. C'est ma cerveja no congelador. Alors regardez le clip, il est super sympa le clip. Un 31 décembre vu qu'on peut rien faire, regardez le clip. On va s'évader. Allez, Teuil sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On remet la chanson au début et on va s'ambiancer sur cette chanson. Allez. Sol a brilhar, faz-me sonhar. Ver-te na praia a sorrir, faz-me sentir renascer. Sol a brilhar, deixa-me olhar. Não sei se vou resistir. O desejo não vou reprimir. Quero viver. Põe a cerveja no congelador. E vai fazer amor. E vai fazer amor. Põe a cerveja no congelador. E vai fazer amor. Vai fazer amor. É o verão, é o calor, é a paixão, é o amor. É o verão a começar e o coração a palpitar. É a razão para te amar. E passamos o dia a curtir, esperando a luz do luar. Decidimos depois onde ir, porque a noite ainda vai começar. fazer amor, e vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador, e vem fazer amor, e vem fazer amor. A primeira volta já passou, está calor, vamos arrefecer. Se a cerveja ainda não congelou, aproveita e vamos beber. Tira a cerveja do congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor. Tira a cerveja do congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor. Anda para aqui recomeçar, já te pedi foi refrescar, porque bebi sempre a pensar que é por ti que vou continuar. E a segunda volta já passou, a cerveja já está a aquecer. Vamos voltar a fazer amor e por isso tenho que dizer: põe a cerveja no congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor. E vem fazer amor, e vem fazer amor. Toi sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va poursuivre avec Da Vinci Conquistador. Cette chanson, je vais la dédier à qui? À Jordan. Jordan et à Alicia Montero Diaz de Trénou. Il faut qu'elles se reconnaissent. Donc Conquistador, Da Vinci, c'est maintenant. Et c'est sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Jordan, la prochaine fois, n'oublie personne quand tu viens à la radio. Et mon petit loulou, si tu écoutes, je te fais un gros gros bisou et c'est parti remise pour un prochain lundi. Tu sais que tu es ici chez toi, mon loulou. Allez, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Nous allons poursuivre avec H2O's Amania de Mania. Vos dédicaces au 02 38 43 48 00. Jean-Pierre avec vous en ce lundi 27 décembre pour cette dernière émission de l'année 2021. Allez, après je vous raconterai ce qui se passe réellement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, et je vous le disais, oui, alors depuis tout à l'heure, je parle plus trop, voilà, les musiques, elles partent un peu, mais c'est normal, il y a du monde dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et ça fait plaisir. On a Alicia, on a Romain, on a Jordan, qui oublie un peu du monde, on a, je cherche son prénom, Christina, dit la blonde, et puis il y a ma petite Sabrina, comment tu vas Sabrina? Ben ça va très bien, ça fait plaisir de revenir dans les studios. Mais bien sûr. Bah ouais, ça manquait un petit peu. Donc, oui. C'est les vacances. Donc parce que t'es resté quelques années, toi, ici, à Radio Arc-en-Ciel? Pas beaucoup, mais ouais, 4 ans. Bah, tu m'as embêté quelques années le mardi matin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, oui, si tu comptes à partir de là, voilà. Ouais, ça fait beaucoup. Et puis ça après, tu as volé de tes propres ailes le samedi. Ouais, tout à fait. Tout voilà. À fait. Bah, c'était les samedis latinos de 14h à 16h. Et puis, bah, j'ai arrêté par manque de temps. Et puis voilà, je suis de retour aujourd'hui pour te rendre une petite visite et pour voir les studios. Ça a pas mal changé. On a mis deux, trois petites lumières en plus. Des guirlandes. Ça, apparemment, c'est la mode en ce moment. Non, c'est Christina, elle savait pas quoi faire. Elle est passée un jour, elle a dit, tiens, je mets des guirlandes. Bah, c'est très bien fait. Voilà. Donc, c'est à l'écoute, parce que je suppose qu'elle doit écouter. Donc, Christine, c'est bien. C'est très bien. Faudra en rajouter deux, trois de plus pour l'année prochaine, mais c'est très bien. Ouais, des petites guirlandes avec des lumières qui changent. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de petites lumières qui changent. Ouais, voilà, c'est vrai. Juste ça, et puis, ce sera parfait. C'est parce qu'il y a non, pas. Donc, je mets un 9, là, 9 sur 10, et puis, l'année prochaine, s'il y a une petite guirlande en supplément, c'est 10 sur 10. Waouh. Le challenge. Donc, alors, comment se sont passés ton réveillon? Ça s'est très bien passé. Le Père Noël est passé, il m'a pas oublié. Donc voilà. En même temps, j'ai été sage aussi. Donc, C'est vrai ce mensonge. Ouais, c'est vrai le mensonge. D'accord. Et puis on prépare les fêtes de fin d'année pour le réveillon du 31. D'accord. Et alors tu vas faire quoi? Moi, je vais travailler. C'est vrai. Ouais, je vais travailler. Faut bien que les gens, que certains métiers soient mobilisés, donc j'en fais partie. Ah, alors puis, attends, certains métiers, le 31 décembre, alors il y a du bleu, s'il y a du bleu. Oui, pour moi, il y a du bleu, oui. Après, ça aurait pu être du blanc, mais j'ai pas forcément de compétences dans ce domaine-là. Ouais. Non, vaut mieux rester dans le bleu. Donc ce sera bleu. Mais à quel moment on décide de mal tourner? Très jeune. Ouais. Mais tu vas avoir du travail du coup parce que là j'espère. A priori ils annoncent des restrictions en tout cas pour le 31. C'est ça. Certainement un couvre-feu. On en saura plus ce soir j'imagine. Ouais a priori. Voilà. Donc voilà, le 31 je serai sur les bords des routes. Ouais. Alors si un couvre-feu normalement t'es tranquille. Ben non, je serai quand même. Ah, quand même. Bah oui, quand même. Des fois qu'il y a des lapinous qui passent. C'est ça, on sait jamais. Ouais. Donc, si tu veux laisser un petit lapinou qui est un petit peu trop bu, bah voilà. Alors là, c'est jackpot. Qui va un peu trop vite avec le lièvre. C'est ça. Voilà, c'est retrait de terrier et plus de points. Exactement. Un petit message à faire passer? Eh bien, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël. Profitez bien, de fêtes de Noël, c'est déjà fait. Donc, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. En tout cas, terminez bien cette année et en espérant que l'année 2022 soit meilleure que l'année 2021. Je te suis sur ce coup-là. En tout cas, je te fais un gros bisou, ma Sabrina. Ça me fait plaisir que tu sois venue ce matin. Ben, merci à toi pour l'accueil. C'est toujours plaisir. Et puis, c'est un plaisir de venir jusqu'ici. Si normalement on aurait pu danser le 31 décembre, on en serait ambiancé là-dessus. Début de soirée, Nuit de Folie, c'est maintenant. Et c'est sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et bien de gros bisous.

Mike Degaita sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va poursuivre avec José Malio à Tabaracabane. Et c'est demandé de la part de Solange. Solange qui envoie un petit message et qui dédie d'ailleurs cette chanson à Jean-Marc et à sa maman. Donc Solange, je vais vous souhaiter à la petite famille eh bien de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on va écouter José Malio à Tabaracabane. Quando chego ao fim de semana, até a barra cabana. Quando vem o tempo de amar, até a barra cabana sem parar. Quando chego ao fim de semana, até a barra cabana. Quando vem o tempo de amar, até a barra cabana sem parar. A bana, a bana pra cá, a bana pra lá. Amor sem ter final. Abana, abana pra aqui, abana pra ali. Todo fim de semana é sempre assim. Cinco dias longe de ti, cinco noites sem teu calor. Provoca desejos em mim maiores que a palavra amor. Pois é que só passa depois. Esta frase popular. Quando chego ao fim de semana, até a barra cabana. Quando vem o tempo de amar, até a barra cabana sem parar. Quando chego ao fim de semana, até a barra cabana. Quando vem o tempo de amar, até a barra cabana. Cinco noites sozinho aqui, provoca desejos a mais, maiores que o desejo em si. Coisa que só passa depois, sábado, domingo ao luar. Quando nós cantamos os dois, esta frase popular. Quando chega o fim de semana, de amor sem ter final. Abana, abana pra aqui, abana pra ali. Todo fim de semana é sempre assim. Abana, abana pra cá, abana pra lá. Somos dias de amor sem ter final. Abana, abana pra aqui, abana pra lá. José Malio à Tabaracabane. On va poursuivre avec Tony Carrera qui va nous interpréter Pelle à Simple. Et c'est demandé de la part de Jérôme pour sa maman, sans oublier l'animateur. Et c'est également demandé de la part de Mélodie pour sa maman, pour ses frères Romain et Mélodie, sans oublier, voilà, on va arrêter, c'est ça, parce qu'on on n'arrête pas les musiques en même temps. Donc, sans oublier Alicia Montero Diaz de Trenou. Voilà, donc Tony Carrera, Per Sempre. Não sei se sou capaz de te falar de mim. Se ao olhar para trás, eu nem sei de onde vim, de onde vem esta dor que me rouba a calma, a falta desse amor que me trespassa a alma. sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo que perdi. Se me quiseres, eu estou aqui, pronto para recomeçar, e vou dar o melhor de mim para te fazer acreditar que nada nos vai mais separar, que desta vez vai ser diferente. Prometo te amar para sempre. Tão puro como um rio que corre para o mar, o meu amor por ti nunca vai acabar. E contra o destino que a nossos dois foi dado, eu traço outro rumo para ficar a levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo que perdi. Se me quiseres, estou aqui, pronto para recomeçar, e vou dar o melhor de mim para te fazer acreditar que nada nos vai mais separar, que desta vez embora. E em frases escutadas, ele dizia abraço e pra sua amada. De uma canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente. Que metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras. Te tornaste uma pu, uma pu, uma pu, uma pu pura e donzela. A mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente. Que metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras. Tu tornaste uma pu, uma pu, uma pu, uma pu pura e donzela. Musica do Gago. Et tiens, je vais faire un petit clin d'œil à Samuel qui est à l'écoute et qui vient de passer devant le grand M où il y avait du monde. Voilà, Bonne fête de fin d'année, Samuel, et bon courage pour la blonde. On comprendra le message. On va poursuivre avec Eloïse Dubal et c'est Paul Gonze qui nous l'interprète. Et je vais dédier cette chanson à Agostinho. Non, c'est de la part d'Agostinho pour toute sa petite famille et notamment pour Alexandre et Nathalie. Et puis, moi, je vais lui dédier cette chanson à Agostinho qui est à l'écoute, à Maya, avec plein de gros bisous. Prenez soin de vous et puis passez un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Lugar a quem se foi. De Radio Arc-en-Ciel au 1000. Nous allons poursuivre avec Leandro qui va nous interpréter Telvish et s'est demandé de la part de Nuno Faria pour toute sa petite famille et pour l'animateur en souhaitant un bon réveillon. Merci à toi aussi Nuno. Et puis on va écouter Leandro Telvish. Vous êtes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi. C'est vers matin. Et c'est bien. C'est sur le 96.2. Talvez fosse diferente se me desse estilo. Talvez eu mudasse tudo para ficares comigo. Talvez o teu caminho seja a meu lado para seres feliz. Que por mais que tente esquecer-te dela. casa quem é solteiro não trai. Juntar a nós as amigas, trocar palavras bandidas, mas o passado lá vai. Já não para a procura, começa a nossa loucura, brindamos uma atração. Passar a mesma batida e de cabeça perdida, eu canto esta canção. Nem caso certo, nem compromisso, mas esta noite vou fazer barra contigo. Nem caso certo, nem compromisso, mas esta noite vou fazer barra contigo. Nem caso certo, nem compromisso, mas esta noite vou fazer barra contigo. Nem caso certo, nem compromisso, mas esta noite vou fazer barra contigo. Casa eu tô nessa vida sem festa, não presta, quem é solteiro não cai. Juntar as nossas amigas, trocar palavras bandidas, mas o passado lá vai. Já não para a procura, começa a nossa loucura, brindamos uma atração. Passar a mesma batida e de cabeça perdida, eu canto esta canção. Voilà, on va rendre l'antenne un peu en retard, mais voilà, c'est la dernière de l'année, on va se permettre de le faire, mais oui. Et on va se quitter encore une dernière fois avec la chanson de Maria Carré, mais oui, comme ça, elle va prendre un peu d'argent au passage. La dernière fois que vous entendez cette chanson, on va trouver un autre générique pour lundi prochain. En tout cas, merci de votre fidélité tout au long de cette année 2021. Je vais vous souhaiter un très très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Prenez vraiment soin de vous. Soyez prudents. Respectez tant bien que possible les gestes barrières. Et puis on se retrouve dès lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime fort. Et puis, encore une fois, vraiment, prenez soin de vous. La santé, c'est ce qui est primordial. Et si la santé va, tout va, tout simplement. Voilà, donc prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et puis, à l'année prochaine, lundi prochain, pour la première émission de 2022. D'ici là, sortez couverts, portez-vous bien. Plein de gros bisous. Je vais embrasser, je vais en profiter. On va, encore une fois, rendre l'antenne en retard, hein, pour une fois. Je vais faire un gros bisou à Alicia qui est venue me voir ici dans les studios, à mon fils Romain qui est venu me voir également dans les studios, à Jordan qui a oublié mon loulou mais qui est venu me voir aussi dans les studios, à Christina qui est présente également, à ma petite Sabrina qui me manque et qui vient de temps en temps me voir, donc voilà. Et puis bah voilà, merci à tous en tout cas de cette fidélité depuis pour cette saison 2021 et depuis bientôt 16 ans ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On se retrouve l'année prochaine. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Je vous aime fort, portez-vous bien, sortez couverts. Et à lundi prochain, bye bye, bisous. Je peux tenir comme ça encore 5 minutes en attendant les infos du Portugal. Et puis, si vous sortez, prenez un parapluie. Parce parce qu'il pleut. Et si vous croisez une petite dans une voiture, une DS noire, écartez-vous de son chemin. Voilà. Donc, oula. Nous allons nous retrouver, je vous le disais, la semaine prochaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, et puis amusez-vous et soyez prudents en tout cas. Allez, bye bye, bisous, à la semaine prochaine. Alors, on va vous laisser avec les infos du Portugal qui ont déjà commencé. Mais voilà, à midi et demi, ça va revenir. Ils diront la même chose, que tout va bien dans ce monde avec notre ami Covid.